Oh, c'est TTC, ça, avec leur nouveau single Travailler à la chance au coureur 2007 Summer Spectacular Life Part 1. Je vais vous expliquer dans quelques secondes ce que ça veut dire. Mais avant de parler un petit peu de TTC, le groupe hip-hop le plus éclectique, innovateur et tordu de l'Hexagone, TTC poursuit sa conquête du Québec avec un nouveau single, Travailler, et son remix Orgasmic. Le vidéoclip pour Travailler remix Orgasmic vient d'être ajouté cette semaine en rotation La Bombe, c'est-à-dire deux fois par jour à Musique Plus. Le dernier extrait de leur album 3615 TTC fut la pièce Téléphone, et le vidéoclip pour celle-ci s'est rendu jusqu'au sommet numéro 1 du palmarès Musique Plus la semaine du 18 juin dernier. TTC était en spectacle à la fin du mois de juillet à Montréal et à Québec. Si vous voulez voir leur prochain spectacle, par contre, allez voir TTC sur MySpace au myspace.com/inbedwithTTC. Donc, pourquoi Summer Spectacular? Ben, cette semaine, comme à chaque été, le directeur musical de C'est Fou prend des vacances. Et ce que ça veut dire, c'est que d'habitude, le directeur musical de C'est Fou prend les disques, les reçoit, les déballe, les classe en catégorie. Ça pourrait être électronique, alternatif, anglophone, francophone, heavy metal, punk. Et ensuite, enlève ce qui ne devrait pas jouer assez fou, évidemment, les marimés et autres de ce monde. Et ensuite, nous les recevons et nous en parlons avec les détails qui nous sont fournis. Cette semaine, ben, c'est moi qui ai découvert tous ces CD-là. Je les ai déballés moi-même, live comme ça en studio. Et puis, j'ai aucune idée ce que la plupart des CD sont. Je sais pas si c'est de l'électronique ou quoi. Je sais ici, par contre, que les albums avec lesquels je commence sont écrits en français, donc ça doit nécessairement être du francophone. J'ai aussi pas beaucoup d'informations, donc ça va être très, très le fun de s'improviser ça à travers les trois prochaines heures. Ça va être beaucoup de plaisir, comme à chaque année. Voilà, donc on continue après TTC. C'est un single. Ben, on va quand même se passer le remix orgasmique parce que c'est quand même la raison qu'ils nous ont envoyé cet album-là. Et ensuite, on enchaînera avec un autre album de quelqu'un qui se nomme, si je peux trouver ici, M. Messier. Et si l'aurore disait oui. Et là, je dois chercher moi-même l'artiste de jeu, ou Martin Messier. Voilà, enregistrement, mixage et mastering par Martin Tessier, avec musique, guitare, bass, mélodica, glockenspiel, accordéon, voix et électro par Martin Messier. Ça va être juste après cette pièce de TTC. Voici Travailler Orgasmic Remix à la chance au coureur Summer Spectacular. Assez fou 89 FM, votre radio campus. À toi, bien. Travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce. Sirotant ce vin délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler, est-ce que t'aimes bien travailler? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime bien travailler. Travailler, travailler, travailler. Travailler, travailler, travailler, travailler, travailler. D'accord, ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse nos emplois du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. Nous on va jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse nos emplois du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'es laissé continuer là où tu t'arrêtes. Lorsque je me lève le matin, il est déjà 2h de l'après-midi et j'ai mal dormi. Quelques minutes dans la salle de bain, j'ai déjà allumé mon ordi et c'est mal parti. J'avale en vitesse un bout de pain, des céréales et un jus de raisin. J'avais pas de tartine, mille mails à mille pour demain. Je devrais boucler ça en un tour de main, mais j'ai pas envie. J'ai plusieurs milliards de rendez-vous, quelqu'un à qui je dois rendre des sous, quelque part en ville. Je ne vais pas le faire attendre des heures, je ne voudrais pas qu'il soit déçu, ça ne serait pas gentil. Si je me mets pas au boulot d'avance, je ne lui mettrai jamais de la vie, ça c'est garanti. Je ne bosse pas dans un bureau par chance, j'ai la flemme et c'est une maladie. Mais c'est pas la vie, mais c'est pas la vie, mais c'est pas la vie, mais c'est pas la vie, mais c'est pas la vie, mais c'est pas la vie. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse nos emplois du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. Nous on va jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse nos emplois du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'es laissé continuer là où tu t'arrêtes. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. On travaille, gagne en assurance, on bataille, tue la concurrence. Toujours plus, je veux toujours plus, allonge, donne-moi tout. J'ai tout planifié, bien détaillé, pour que rien ne puisse m'échapper. Mon business plan d'une justesse claire, n'use mon temps, il coûte trop cher. Je compte bien faire fortune un jour, c'est pour ça que je job, pour ça que je me colle. Un réveil le matin, c'est déjà lundi, le week-end est fini. On est reparti pour une semaine entière, sans petit-déj copieux. Une rose pour deux, une vie heureuse. Thank you. tête, quand tu fais une drôle de tête, c'est parce que t'es laissé continuer la vie d'arrêt. Ne compte pas sur nous, pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête, nous on part jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous, pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête, c'est parce que TTC continue là où tu t'arrêtes. TTC avec Travailler Remix Orgasmic. Allez voir myspace.com/inbedwithTTC. On continue avec Martin Messier et sa pièce Lentement en sifflant à la chance au coureur Summer Spectacular. Messier avec Lentement en sifflant à la chance au coureur Summer Spectacular. Ça vient de son album qui doit porter un nom, j'imagine, mais comme vous le savez, je n'ai pas les informations. Ça s'appelle soit Ici Laurent, tu sais oui, ou Like No Flags in the Wind, quelque chose du genre. On s'en va entendre une autre pièce dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de lui. Tiens, Martin Tessier, Ici Laurent, tu sais oui. Ah, ben tiens, c'est ça. Le projet solo de Martin Messier, voilà, ex-White Noise Ensemble. Vous êtes donc cordialement invité au lancement de son premier album éponyme, le 15 août prochain. Mais qui est Ici Laurent, tu sais oui? Ici Laurent, tu sais oui, c'est le projet solo du compositeur montréalais Martin Messier à la guitare, une note à la fois, au mélodica une noire à chaque fois, à la voix une syllabe à la fois, à la bass une corde à la fois, au glockenspiel une main à la fois, au piano un doigt à la fois, aux ordinateurs audio et vidéo à la fois, et quand tout se mélange ensemble, on obtient un amalgame sonore complexe, joyeusement étrange et doucement idiosyncratique qui emprunte à des idées de l'IDM, FX Twin, de l'électronica comme Square Pusher et Mum, du post-rock Silver Mount Zion et du folk Ennion Morricone. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur Martin Messier et son projet, Ici Laurent, c'est oui. Donc, on peut comprendre que c'est le nom du projet, donc le nom de l'album doit être Like No Flags in the Wind. Allez voir le mmessier.com, www.mmessier.com. On va entendre une autre pièce dans quelques secondes à peine, et ensuite, on enchaînera avec Mission sur Mars, une formation qui nous a envoyé trois pièces, un superbe hippie. On va entendre ça tout à l'heure, mais pour l'instant, et à l'instant même, voici... Quatre pattes, c'est pas assez. À la chance au coureur, Summer Spectacular, à Cifou 89.fm. Bye. Le projet est Si l'horreur disait oui de Martin Messier. On vient d'entendre la pièce qui joue en ce moment même, c'est-à-dire Quatre pattes, c'est pas assez à la chanson coureur Summer Spectacular. L'émission où on découvre les nouveautés musicales comme d'habitude, mais cette fois-ci au hasard sans trop savoir ce qui s'en vient. C'est une vague de surprises. C'est l'été. On s'amuse. Ce vendredi matin à 10h, diffusion jeudi et mardi 14h pour ceux que ça intéresse. Maintenant, on passe de Martin Messier et Si l'horreur disait oui à une autre formation québécoise. Voici Mission sur Mars avec Alcoolique à la chance au coureur Summer Spectacular. Ramasser mon boulevard en train de tomber. Les deux, yeux collés ronds comme une mine. Je parle au micro qui m'écoute pas. Les cheveux dans la face à l'aide, des grimaces sont de mise. Pour toi, coach, t'en et souhait à soir. Ça va être un vrai bordel. Pas une place pour les petites madames. Ben pincées quand ils vont boire. En train de boire, nommer toi cinq à sa tête. Crier mon désespoir de musicien. Alcoolique. Alcoolique, alcoolique, à soir. Alcoolique, alcoolique, alcoolique, toi à soir. Une petite gorgée, ben étouffer la guitare désaccordée. Va crier, va gueuler comme d'habitude. Va finir, ben maganer. Va sacrer, mon cœur chez nous. Va fatiguer, ben amoché. Ma femme va m'attendre avec son bande de baseball. Oh la volée que je vais manger. Alcoolique, alcoolique, alcoolique à soir. Alcoolique, alcoolique, alcoolique tout le soir. Alcoolique, alcoolique, alcoolique à soir. Alcoolique, alcoolique, alcoolique. Chansonnier, il fait 107, puis le reste, y'en a pas de reste. C'est un gars, délinquant, chantant bavard sur des mots, à soif de musique. Alcoolique, macrobiotique, puis amphibique, et avec toutes ses tics. C'est un alcoolique, alcoolique, alcoolique à soir. Alcoolique, alcoolique, alcoolique. Retour, plus de Mission sur Mars. Et Christian Aubin nous amène au-dessus des somnambules. À la chance au coureur, Summer Spectacular Live! Pensez les chinos avec un bel grand scabaron. qui est en rouge ou ben de la noire. La boxe est bon, je parlais de tout pour parler de rien. Conversation de mon amour, tu sais de conneries remplies de niaiseries. Dire des âneries, puis des folies. Ça fera sauter à jouer des stars. Ça verra dans 2-3 ans, un peu plus tard. Quand tu seras marié, 2-3 ans avec ton oeil. Je te paye un pont, c'est plat à masse. Check la waitress, elle est débordée lorsque ça va. Check le chanteur, yibou. Les filles aiment ça, mais pas les gars. Par tes poignets, ok, ok. Encore pogné, se coucher les pieds. Comme tous les autres, maudite soirée. Ça fera 100 ans, je veux une histoire. On s'en verra dans 2-3 ans. Un peu plus tard, quand tu seras marié. 2-3 ans, pas avec ton oeil. Sinon je m'endors, pas que c'est même là, je souris de mort. La même petite rousse m'a demandé d'aller la raccompagner à son appart pour jouer au cap. Vu mon état, je te murmure même pas. Fuck le raccord, allez me la pétard. 60 ans, je veux une histoire. On s'en verra dans 2-3 ans. Un peu plus tard, quand tu seras marié. 2-3 ans, pas avec toi. Mission sur Mars avec Costard à la chance au coureur sur leur hippie éponyme. Parlons un petit peu de Mission sur Mars. J'espère que j'ai pas été le seul à remarquer une ressemblance dans les paroles et dans la façon de chanter à peut-être un groupe comme les Colocs et à remarquer peut-être une influence de 30 Seconds to Mars dans leur nom. Ça doit être assez évident comme commentaire. Donc, la lettre qu'on a reçue de leur part, en fait, c'est Luc Poutier, le guitariste de la formation, qui nous a envoyé une lettre signée de sa main. Mission sur Mars, c'est un groupe pop-rock qui prend d'assaut la scène musicale québécoise. Notre sonorité oscille entre le rock puissant, le reggae et le folklore. Mission sur Mars se distingue par des textes francophones divertissants, une basse survoltée, deux guitares électriques décapantes, un saxophone embrasé et une batterie déchaînée. Résultat, une musique rafraîchissante et festive, représentative de la fougue du groupe. Voilà. Donc, c'est signé de la main de Luc Cloutier, tel un directeur d'école. Le myspace.com/mission sur Mars, c'est leur site web, myspace.com/mission sur Mars. Belle petite place. Voilà, donc on a entendu deux pièces. Avant Costard, c'était Alcoolique, la mission sur Mars. Maintenant, on passe à une autre formation. On s'en va entendre Christian Aubin avec l'album Au-dessus des somnambules. Je vous rappelle que vous écoutez le spécial La chance au coureur 2007 Summer Spectacular Live Part 1, où on reçoit les albums live en studio et on les déballe et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être un groupe d'électronique heavy metal slash punk, Christian Aubin? J'en ai aucune idée. Allons voir. Avec la pièce Entre deux accords à La chance au coureur. Ça fait longtemps que j'y pensais, sortir enfin de la routine, de la boucane qui m'étouffait, des mêmes chansons qui me dépriment. maintenant moi qui prends le contrôle. Avec vous si le cœur vous en dit, ce soir je joue pleinement mon rôle. Le star de soir, c'est garanti. En deux accords, juste pour un instant. En deux accords, pour oublier le temps. Qu'on se paye la traite, les rideaux, les spots, l'étiquette, et même le track qui vient avec. You know the money's no object. Peut-être le début d'une carrière, peut-être la fin d'une autre histoire. De toute façon, je veux pas m'en faire, je veux juste continuer à y croire. En deux accords, juste pour un instant, en deux accords, pour oublier le temps, en deux accords, en deux accords, yeah, yeah, nourris par vos applaudissements, en deux accords, j'en oublierai jusqu'à mon nom. Pour que vous viviez mes chansons en deux accords, en deux thank you. sont éternels. Je garde espoir. Christian Aubin et la pièce Histoire parallèle à la chanson coureur Summer Spectacular. C'est quelque chose. Maintenant, ce qu'on va entendre, c'est Cougar. Mais avant, j'ai décidé que je vais parler un petit peu quand même de Christian Aubin parce que, bon, je vous rappelle que vous écoutez la chanson au coureur Summer Spectacular, c'est-à-dire l'émission où on reçoit les albums live et je les déballe et je fais tout ça sans trop savoir ce qui s'en vient. Une émission remplie de surprises. Hein? Vous aimez ça, j'en suis certain. Donc, Christian Aubin, mon Dieu, myspace.com/oblique et Christian Aubin, c'est son site. Même que si ça vous tente, on va aller tous lire ça en même temps, voir s'il n'y aurait pas une petite biographie là-dessus. Hein? Quelle bonne. Donc, un nouvel album disponible maintenant. C'est du rock, folk, rock, pop. Il va être en spectacle à Charlebourg au début août. Ça, c'est le 3 et 4 août. Donc, ce soir et demain, si vous écoutez en direct. À Charlebourg, c'est à la Petite Grenouille. Ensuite, à Québec. Ensuite, à plusieurs places dans la ville de Québec. Hein? Sainte-Foy. Québec, Charlebourg, Québec, Sainte-Foy, Québec, Charlebourg, Québec. Waouh, il y a des milliers de spectacles. Le gars, il est vraiment très, très productif pour tes spectacles. Il doit être, prolifique, on peut dire. Il n'y a pas vraiment de biographie, mais on a les membres du band, tiens. Steve Laroche à la lead guitar, batterie, tambourin et synthétiseur. Marc Hébert à la bass, Steve Rousseau à la batterie. Christian Aubin à la guitare acoustique et la voix. Philippe Mius d'Entremont au cello. Produit par Christian Aubin, enregistré par Steve Laroche et Christian Aubin chez Redoutable Studio à Montréal. Voilà. Influence Daniel Bélanger, on l'aurait remarqué un petit peu quand même. Kevin Parent, oui aussi. Jean Leloup, Coldplay, Radiohead, The Killers, Franz Ferdinand, Beatles, The Rolling Stones, Queen, U2, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stevie Ray Vaughan et plusieurs autres. Voilà. Donc, myspace.com/ Christian Aubin, c'est le site et l'album s'appelle Au-dessus des somnambules. Ce que j'étais en train d'avancer tantôt, c'est qu'on s'en va entendre, ça ressemble à du punk. Je sais pas, parce que bon, les albums ne sont pas classés, c'est l'idée de l'émission d'aujourd'hui. Cougar, non, c'est du métal. Encore pire, ça a l'air, j'aurais pu dire que ça a l'air industriel comme musique. C'est Cougar. We'll be right back. avec Ammunition Matters à la chance au coureur. Cougar Redemption Through Looseness, c'est le nom de leur album. Ils viennent de Lausanne, en Suisse. C'est un groupe de métal avec Reno à la voix, Margot à la guitare, Jack à la guitare, Blaze à la bass. Blaze à la bass? Et les gars, c'est les gars. Et Ralph à la batterie. Ils sont sur, sur Terre à Terre. Terre à Terre, Listenable Records, terreaterre.com ou encore listenable.net. Ils vont être en spectacle un peu partout dans leur coin de pays à travers le mois d'août et de septembre. Il y a un vidéoclip pour la pièce Queen of the Meadow qu'on s'en va entendre dans à peine quelques secondes. Si vous voulez plus d'informations sur le band, d'aller voir cougar.ch, cougar.ch ou myspace.com/cougarband. Alors que moi, je vous rappelle que c'est la chance au coureur. Alors, on découvre toutes les nouveautés musicales reçues assez fort dans la semaine. Et cette semaine, c'est le spécial Summer Spectacular où on reçoit les albums dans un ordre tout à fait au hasard et on les déballe live en ondes et on sait pas trop à quoi s'attendre. Même que tantôt, juste après du métal, on va entendre un album de Smithsonian Folkways Recording, de la musique contemporaine de l'Irlande du Nord. Ça va être très différent et c'est à la chance au coureur Summer Spectacular Live au 89F. Fire! Au retour, la compilation Sound Neighbors de la musique contemporaine en Irlande du Nord. À la chance au coureur Summer Spectacular à C'est Fou 89.fr. On commence la deuxième heure de la chance au coureur Summer Spectacular. Voici The Divine Comedy. I was born in Derry City too. Oh, what a special child to see such things and still to smile. I knew that there was something wrong, but I kept my head down and carried. Sunrise de la formation de Divine Comedy à la chance au coureur Summer Spectacular. Donc, The Divine Comedy, ça vient de la compilation qui s'appelle Sound Neighbors Contemporary Music in Northern Ireland, donc musique contemporaine en Irlande du Nord. Ça vient de Smithsonian Folkways Recordings, une place qu'on aime beaucoup ici à la chance au coureur. Donc, le texte derrière l'album dit qu'elles étaient écrites il y a des siècles ou très récemment, la musique diversifiée de l'Irlande du Nord, de ses instrumentalistes, de ses compositeurs et de ses compositeurs, c'est ça? Auteur, compositeur, interprète, c'est ça, j'essaie de traduire en direct comme ça. Évoque un sens profond de fierté régionale et de confiance grandissante en un futur partagé. Ils essaient de présenter à ceux qui vont l'écouter la musique forte, powerful, ça, de cette région merveilleuse et dynamique. Sound Neighbors englobe plusieurs genres, plusieurs générations, plusieurs frontières géographiques, mettant en vedette 20 pièces vocales et instrumentales qui célèbrent la richesse musicale de l'Irlande du Nord contemporaine. Il y a aussi un petit livret de 24 pages. L'album lui-même dure 71 minutes, donc ils ont vraiment mis presque le plus de musique possible qui pouvait entrer sur un album, sur un CD. On peut retrouver, entre autres, des formations telles que Different Drums, Cathal Hayden, Crab Rua, Barry Kerr, Geraldine Bradley, Tommy Sands, The Royce and White, Low Country Boys et un paquet d'autres. Et moi, j'ai évidemment accroché sur The Devon Comedy parce qu'ils avaient eu un énorme succès sur les ondes de C'est Fou il y a quelques mois et ça m'avait resté en tête. Il y a tout plein de textes dans le livret, ça a l'air vraiment très intéressant. Et il y a une introduction par l'officier des arts traditionnels du Arts Council de l'Irlande du Nord et puis des biographies de chaque artiste qui se retrouve sur cette compilation. Ça a l'air vraiment très très bon. Donc voilà, on s'en va entendre une deuxième pièce tout de suite. Pourquoi pas la première de l'album pour vous donner encore une meilleure idée. Voici Different Drums et Northern Man à la chance au coureur Summer Spectacular au 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. I was born on the border. My father's from Tyrol. My mother, Donegal. I've heard the talk on both sides of the border. I think by now, might have heard it all. I'm a northern man, from a northern clan. From where I stand, I see a northern land. From where I stand, I'm a northern man. Always tried to form my thoughts freely. Free to decide if decisions need be made. And I'll change my mind if it's a lesson to me. I don't know how I'd learn, but change left me afraid. I'm a northern man, from a northern clan. From where I stand, I see a northern land. From where I stand. Dreams have changed as the times did, but I've learned to see another way and still be who I am. My heart and my soul are united. They both agree that I'm a northern man. I'm a northern man from a northern clan. From where I stand, I see a northern land. From where I stand. Northern land, from where I stand, I see a northern land. From where I stand, I'm a northern Different Drums avec Northern Man de la compilation Sound Neighbors Contemporary Music et Northern Ireland. Pour plus d'informations, allez voir le site via le site de l'émission au unechance.com. Maintenant, on change de style. Voici du metal, trash, death metal avec la formation Scarve et leur album The Undercurrent. Voici The Plundered à la chance au coureur Summer Spectacular au 89.1 FM à Trois-Rivières. Guard avec The Plunder de leur album The Undercurrent. Maintenant, on passe à un autre album de métal, mais cette fois-ci hardcore. Voici The Warriors et leur album Genuine Sense of Outrage, la pièce Destroying Xenodoxis. À la chance au coureur! Searching love for all your truth. I hear the beats as the sounds break down. Till the music transfers to movement. As the message flows through the conduit, reaching out for an inward taste. I see the mirror, but I see no face. I know price. That's the price for seeking solutions outside of your own conviction. Bloc de métal à la chance au coureur Summer Spectacular. On a commencé par la formation Scarve, un groupe de metal, trash, death metal de Nancy en France. C'est comme le total, l'antonyme total de metal, trash, death metal, c'est Nancy en France. Mais quand même. Ils cherchent un nouveau chanteur. C'est marqué Scarve Singer Wanted sur le myspace.com/Scarve1. Scarve est le chiffre 1. Leur vrai site est le scarve.net. Les membres sont Patrick Martin à la rhythm guitar, Sylvain Coudray à la rhythm et lead guitar, Loïc Collin à la bass et Dirk Verburen à la batterie. Ils sont formés en octobre 1993. Voilà Scarve, un groupe de métal sombre, obscur, brutal, rempli d'extrémités. C'est ce que dit leur biographie. Donc, encore une fois, scarf.net ou myspace.com/scarf1. Ensuite, on a entendu The Warriors avec leur nouvel album qui se nomme Genuine Sense of Outrage. C'est un groupe de hardcore metal punk de Oxnard, en Californie, aux États-Unis. Leur album sort le 7 août. Oui. Les membres sont Javi à la guitare, Marshall à la voix, Matt à la batterie, Charlie à la guitare et Danny à la bass. Ils vont être en spectacle un petit peu partout à travers les États-Unis et l'Australie. Tournée australienne et tournée allemande aussi vers le mois de novembre. Leur site web, c'est The Warriors avec un Z.com ou myspace.com/TheWarriors avec un S. Donc, différenciez bien WarriorsZ.com/TheWarriorsS sur MySpace. Voilà. Leur album, encore une fois, c'est Genuine Sense of Outrage. Donc, voilà qui termine notre petit bloc de métal. On embarque dans un bloc un petit peu plus plaisant pour moi, en tout cas, parce qu'on va entendre tantôt... j'ai très, très hâte d'entendre le nouvel album de Polyphonic Spree. On va aussi entendre Boats avec Intercontinental Champion et The Blue Tones avec Luxembourg. Mais on commence par le nouvel album de Ono qui s'appelle Dr. No's Experiment. Voici les premières pièces parce qu'elles sont toutes en dessous de 2 minutes. Et là, il y a une grosse partie de pièces en dessous d'une minute trente. Donc, on va écouter le début de l'album. Au moins, voici. Eve, à la chance! Au coureur! Écoute le nouvel album de Ono, Dr. No's Experiment. C'était la pièce Heavy. Voici Gladius. La formation Holo avec leur album Dr. Nose Ox Power Man à la chanson coureur Summer Spectacular. C'est très bon. Ils se disent un groupe de hip-hop, rap, hip-hop. Plus de difficulté à voir ça. C'est de Oxnard en Californie aux États-Unis. Leur album Dr. Nose Experiment sort le 14 août prochain. J'aime beaucoup ça, que voulez-vous? StonesThrow.com/Ono ou encore MySpace.com/OnoDisrupt. Si vous voulez les liens, allez voir le unechance.com. Sur leur MySpace, vous allez pouvoir entendre des pièces dont Heavy, qu'on a entendu au départ. Ensuite, on a entendu Gladius, ensuite Higher, ensuite Breakout. Ce qui joue en ce moment, c'est Ox Broil. Ça fait beaucoup de petites, de très courtes pièces pour Ono. Et ça vaut la peine d'être entendu. Voilà, c'est le tour. Je vous laisse terminer cette pièce Ox Broil. Et après, on va entendre le nouvel album de The Polyphonic Spree. Vous écoutez le spécial Summer Spectacular de la chance au coureur où on reçoit les choses dans un hasard total parce qu'on les déballe en direct, en studio. En ce moment même, je pourrais vous faire entendre le bruit du plastique quasiment. Mais je le ferai pas parce que ce serait pas très intéressant. Voilà, c'est Ono avec Ox Broil. L'album s'appelle Dr. Nose Experiment. Il faut aller voir le myspace.com/OnoDisrupt pour plus d'informations. Maintenant, le voici, le nouvel album de The Polyphonic Spree. À la chance au coureur Summer Spectacular à CFOU 89.1. Au retour, beaucoup plus de Polyphonic Spree à la chance au coureur. On est au point de sauvegarde de la chance au coureur Summer Spectacular 07 Live. Voici une autre pièce de Polyphonic Spree. Get up and go! Tout de suite. Polyphonic Spree à la chance au coureur Summer Spectacular au 7 Live. Ah, enchanté, Polyphonic Spree, enchanté. Ah, ouais, ça fait longtemps que j'entends parler de ce groupe. Et enfin, je tombe en amour avec The Polyphonic Spree. La pièce, oui, qui s'appelait Get Up and Go et leur album qui s'appelle The Fragile Army. Ici à la chance au coureur. Belle écoute pour moi. Donc, parlons un petit peu de Polyphonic Spree sur Wikipédia. Lisons l'article au complet. The Polyphonic Spree est un groupe d'une vingtaine de musiciens emmenés par Tim DeLauter, l'ancien membre des Tripping Daisy. Tim DeLauter a formé à Dallas les Polyphonic Spree en 99 après la mort du guitariste Wes Berggren par overdose. Les anciens membres de Tripping Daisy l'ont très vite rejoint. Le premier album est sorti en 2003. Il s'appelait The Beginning Stage Of et ça a reçu un accueil mitigé. Le second s'appelait Together We're Heavy, sorti en 2004. Ça leur a pas permis non plus d'avoir l'écho escompté. The Polyphonic Spree délivre un pop rock symphonique composé d'une chorale de 10 personnes, de 2 claviéristes, d'un percussionniste, d'un bassiste, d'un guitariste, d'un flûtiste, d'un trompettiste, d'un tromboniste, d'un violoniste, d'un harpiste, d'un joueur de cor français et d'un maître des effets électroniques. Tout ça avec des fraises et des framboises. Généralement habillés de longues toges de couleurs, ils véhiculent un message euphorisant et positif à l'image du groupe tel que les Beach Boys. Donc, The Polyphonic Spree, si vous voulez plus d'informations, allez voir thepolyphonicspree.com, Spree, c'est S-P-R-E-E, ou encore passer par le site de l'émission au unechance.com. On a entendu trois pièces jusqu'à maintenant, Together We Are Heavy, Running Away et Get Up and Go. On s'en frappe, on s'en tape une quatrième, qui est la pièce titre de Fragile Army. Et plus tard, on écoute l'album de Boats, qui s'appelle Intercontinental Champion. C'est un petit syllabe, retenez, c'est la chance au coureur. Summer Spectacular au 7 Live à CFOU 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Oh, how we miss, they're so far gone. Will they move when the valley explodes? We'll make no mistakes if they move too late. Well, we wish they would have called you on your keyboard, you swallow the very words you called your own. You tighten your back up. Ooh, you're so psychic. We all wanna know. Did you make de Polyphonic Spree avec la pièce titre de l'album de Fragile Army à la chance au coureur. Maintenant, on enchaîne avec une autre formation. Une formation canadienne. Voici Boats et 500 à la chance au coureur. Summer Spectacular 07 Live à CFOU 89.1 FM. Thank you. À la chance au coureur. J'espère que j'étais pas le seul à passer à Batman en entendant ça. Hein, c'est évident. Batman, hein? Avec la pièce Silic Gorges, maintenant, voici une autre pièce que je dédie à Rock Classique et à Alain Lefebvre. Voici Classic Rock Weekend. À la chance au coureur. Summer Spectacular! July 1st, I'm out of bed again. Seems as if I forgot my name. Chalk this one up to amnesia, but I know it's just laziness. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And happy birthday, all you good people. Classic Rock Weekend de leur nouvel album Intercontinental Champion. C'est un groupe de Winnipeg au Manitoba, un groupe de two-step indie pop. Vous pouvez aller voir leur site sur yeahboats.com, yeahboats.com ou encore myspace.com/boat-the-music-band. Les membres sont Matt Klafeski au boating et au yaying. Hein? Britt Einstock, Ashley Rock, Sean Gibson et Jay Churko. Donc super, très très bon, j'adore ça. Boats avec un point d'exclamation. Encore une fois, myspace.com/boat-the-music-band pour entendre leur pièce. On passe à un autre groupe qui s'appelle The Blue Tones. Leur album c'est Luxembourg et la pièce Here It Comes Again. Vous écoutez la chance au coureur Summer Spectacular au Salon Live, où on reçoit les albums en direct, on les déballe, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. C'est la chance au coureur, mais en meilleur. Pas du rabat. And it's spiteful from his back to Après la pause, plus des Blue Tones et du Yellow Card à la chance au coureur Summer Spectacular 07 Live à CFO 89.fr. On continue avec l'album des Blue Tones. Les Blue Tones, en vrai. Leur album, c'est Luxembourg, et voici la pièce Never Going Nowhere. Some words can cut you like the sharpest blade. I don't love you anymore. I don't love you anymore. Nothing is different, but something has changed. I don't love you. Avec Never Going Nowhere dans leur album Luxembourg, un autre très très bon album reçu cette semaine, assez fou. Écoutez la chance au coureur Summer Spectacular 07 Live où on reçoit les albums en direct en studio, on les déballe, on sait pas trop dans quel style ils vont être. Et ça pourrait être du heavy metal, les Blue Tones, on sait jamais, tu sais, avec une pochette avec des petits nuages, puis un petit tap, des petites montagnes, un petit bonhomme de s'animer derrière. Ça pourrait être du reggae aussi. Donc voilà, The Blue Tones, un groupe de indie alternatif acoustique de Hounslow au Royaume-Uni. Hounslow. Je crois que ça se prononce entre. Les membres sont Adam Devlin à la guitare, Ed Chesters à la batterie, Mark Morris à la voix et Scott Morris à la bass. Ils sont en spectacle un petit peu partout, dont l'Écosse, Et puis le Royaume-Uni en général, l'Angleterre, voilà. Sur leur MySpace, vous pouvez entendre des pièces de leurs albums précédents. Il y a aussi Never Going Nowhere. Je crois que c'est la seule pièce de leur nouvel album, Luxembourg, qui est sur leur MySpace, si vous voulez aller écouter ça. Leur vrai site web, c'est bluetones.info, mais myspace.com/thebluetones vous mène vers les deux sites et unechance.com vous mène vers tout ce qu'on a présenté à la chanson coureur depuis le début. Et puis d'ailleurs, si vous écoutez live au 7 Live le vendredi matin à midi, restez là parce que sur unechance.com, tout est posté en direct, en temps réel. C'est fabuleux. Donc voilà pour les Blue Tones. J'adore ça. J'aimerais bien pouvoir en passer 14 pièces, mais on a que 3 heures pour continuer l'émission. Et quitte à continuer, aussi bien continuer avec d'autres bons stocks, je suis sûr. Le prochain album, c'est Yellow Card avec Paper Walls. Et tout de suite, voici la pièce Light Up the Sky à la chanson coureur Summer Spectacular au 7 Live à CFU 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Oh yeah! Think of you when we dance, although we can't jitterbug. says we're dead and thin. Do you remember when? How long has it been? 1945. You opened my blue eyes to see a whole new life. Do you remember when I told you this that night? That if you're by my side, when every day begins, I'll fall for you again. I made a promise when I told you this that night. I'll be fine, 'cause when I die, then I die loving you. It's alright, I'll be fine when I die. And get back together, and we finally was married in 1949. We drove the yellow convertible on our honeymoon. Do you remember? I do. Life has led us here together all these years. This house that we have made holds 20,000 days and memories we've saved. Since life has led us here, and I'll be fine. I'll be fine. 'Cause when I die, then I die loving you. It's alright. It's alright. I'll be fine. I'll be fine. 'Cause when I die, then I die loving you. Loving you. Slipping off my shoes, resting in my chair, I see you standing there, the silver in your hair. I'm coming home to you. When I lay tonight, when I close my eyes, I know the sun will rise. Hear the next life, as long as you're still mine, then it's alright. La formation américaine Yellow Card avec Dear Bobby, c'est une formation de rock alternatif, c'est Yellow Card. Leur album Paper Walls est en magasin maintenant, ils viennent de Jacksonville en Floride. Les membres sont Ryan Key, Sean Mackin, Pete Mosley, Longinus Parsons de Third et Ryan Mendez. On se rappelle de leur précédent album, c'était Lights and Sounds, je crois, qui avait été quand même assez populaire ici à C'est Fou. Et leur nouveau, c'est Paper Walls. On leur fait beaucoup de succès avec ça. C'est un groupe bien connu et donc je crois que ça mérite une troisième pièce. Tout de suite, voici la première de l'album, The Takedown, à la chance au coureur Summer Spectacular 7 Live. À C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. I feel things changing when I'm Yellow Card et The Take Down de leur album Paper Walls à la chance au coureur. On continue avec un groupe de indie soul rock. Voici The Mohawk Lodge et la pièce Heart of Lovers. C'est le spécial Summer Spectacle au Summit Live à CFOU 89.fm. We'll be right back. The Mohawk Lodge avec Wear 'Em Out de leur album Wildfires, précédé de la pièce Heart of Lovers. Donc The Mohawk Lodge, qui est un groupe de NU Soul Rock de Vancouver en Colombie-Britannique, ça dit 100% pure fibre de rock. Hein, n'est-ce pas? Les membres sont donc Ryder Dale, Ark, Paul Gordon, Samir Malal, Gob Josephson, Corey Price et le membre secret Daryl Newdorf, qui est le producteur de Neko Case, des New Pornographers et de Sadies, qui participe un petit peu à la batterie. Donc, il va être en tournée au Canada et aux États-Unis du 4 octobre au 4 novembre. Dans le groupe, il y a des membres de Wolf Parade, Handsome Furs, Grant and Ida et Ghost House. C'est produit par Daryl Newdorf, comme je le disais, et il fait un petit peu partie du groupe aussi. Leur site web, c'est le mohawklodge.ca ou encore myspace.com/mohawklodge. L'album est sorti le 31 juillet dernier et s'appelle Wildfires. Il va être en spectacle un petit peu partout en Ontario, mais je vois une date au Québec. L'endroit n'a pas encore été annoncé, mais ça va être le 20 octobre à 20h. Hein, quand même. Et puis, d'autres dates au Québec? Voilà. Allez voir le myspace.com/mohawklodge pour plus de détails sur leur spectacle et pour entendre des pièces dont Heart of Lovers et dont Wear 'Em Out qu'on vient tout juste d'entendre. Voilà qui fait le tour pour Mohawk Lodge. Vous écoutez la chanson au coureur Summer Spectacular 07 Live. Et je vous rappelle le concept de l'émission parce que je ne l'ai pas fait souvent. Cette semaine, le directeur musical de C'est Fou est en vacances. Hein, et le directeur musical de C'est Fou, d'habitude, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre les CD, entre autres. Il ouvre les CD, il les classe en ordre d'électronique, de heavy metal, de punk, d'alternative anglophone ou ce genre de choses-là. Et enlève les groupes qui ne sont pas très bons pour C'est Fou, par exemple Marie-Hélène Thibert. Et puis nous, on les reçoit d'habitude et puis on les joue dans un ordre en particulier. Aujourd'hui, aucun ordre, c'est le désordre total. On sait plus quoi faire. On sait pas ce que ça en vient. Mon Dieu, est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer de la musique religieuse, reggae, slash punk, Christian rock? On sait pas. Ça pourrait arriver. C'est ça. C'est comme un gros hasard. Donc, tantôt, on a entendu du Yellow Card. C'était très, très bon. Yellow Card, vous vous rappelez Yellow Card, du gros succès. Vous aimez Metric sûrement aussi. Metric. Les gars de Metric, en tout cas deux gars, Joshua Winstead et Jules Scottkey, ont un groupe qui s'appelle Bang Lime. Hein? Et leur nouvel album, Best Friends in Love, vient tout juste de sortir à peine. Je sais pas s'il est sorti. En fait, j'ai aucune idée s'il est sorti. C'est pas écrit. Mais Best Friends in Love, c'est leur album. On s'en va entendre tout de suite la pièce Kings and Queens à la chance au coureur Summer Spectacular au 7 Live. À C'est Fou 89.fm. À Trois-Rivières. I'll just focus on this time. You don't recall my eyes. Oh shit, it's been a while. What's the strangest thing you've seen? And the best thing that you've done? Was the camera on? Just gotta get a little bit closer. Retour, plus de Bang Lime à la chance au coureur. Of Death à la chanson coureur Summer Spectacular au 7 Live. Bang Lime, un groupe de rock expérimental indie de Oakland en Californie. Animal Behavior, ils disent comportement animal. Donc, c'est deux anciens membres. En fait, non, deux membres. Qu'est-ce que je raconte? Deux membres de Metric, Joshua Weinstein et Jules Scott Key. Donc, Bang Lime est le duo de batterie et de guitare de deux amis et membres de Metric, Jules Scott Key à la batterie et Joshua Weinstein à la guitare et la voix. Les deux ont passé plus de temps à jouer de la musique ensemble qu'ils voudraient l'admettre. Et là, je traduis simultanément leur document de presse. Ils ont commencé, ils se sont rencontrés il y a environ 16 ans. Et en fait, du compte, ils ont joué dans le même band pendant plusieurs années. Leur dernière incarnation, c'est Bang Lime, un groupe de punk, 60s, blues, noise, rock, une genre d'expérience musicale. Ouais, c'est ça, ils essaient d'expérimenter avec la musique. Cette aventure les a amenés un petit peu partout dans le monde, à des rock house parties du Texas, à la scène goth et rock underground de New York City, à des tournées mondiales en tant que la section rythme de Metric, voilà, et les clubs expérimentales punk de Oakland en Californie, où, qu'ils appellent maintenant leur maison, même s'ils peuvent rarement y être. Ils ont décidé de former Bang Lime pour faire la musique qui les intéresse eux et qui est différente de la musique de la, comment dire, la marque de commerce, si on veut, de Metric. Donc, leur site web, c'est le banglime.com ou encore myspace.com/banglime pour entendre des pièces, dont The Death of Death et Equator, qu'on se gâte à aller entendre tout de suite. Et plus tard, voici la petite pile que j'ai de déballer, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe de notre Summer Spectacular au 7 Live, c'est qu'à la place de recevoir nos disques préclassés par catégorie et savoir où on s'en va, au moins un petit peu, notre spécial ici, c'est au hasard. On prend n'importe quoi, on les déballe live devant vous en studio. Et tantôt, on va entendre The Starting Line, on va entendre aussi Ailey Sales avec Sunseed, et j'ai choisi Bittersweet, The Remix Game. On avait reçu Bittersweet il y a quelques mois, même peut-être années de ça, et puis j'avais beaucoup aimé, donc les pièces remixées de ça, ça devrait être très très bon, voilà. Donc voici tout de suite la troisième pièce de Bang Lime, leur album s'appelle Best Friends in Love, et voici Equator à la chance au coureur, à CFU89.fr. Just keep your hands on the wheel and drive on south and get to the equator. It's all you've got to do to feel alright and get together. I'm not afraid to die. flashing glimpses of bright lights, and they attracted my steps. Girl, I was so scared of what could be hidden underneath the rocks that were never in position. I was singing songs of the lost man. I am still among friends. Starting Line et la pièce titre de leur nouvel album Direction à la chanson pour Summer Spectacular 07 Live. Allons voir, qu'est-ce que c'est, ça a l'air du Starting Line. Les membres sont Kenny Vasselli, Mike Gala, Matt Watts, Tom Griskiewicz et Brian Schmutz. Hein, Schmutz. Leur site web est myspace.com/thestartingline ou encore startinglinerock.com. Vous savez ce que je pense de ces sites web avec rock dedans. Et vous savez ce que je pense aussi des pochettes avec un portrait du band en arrière. Ça a l'air très, très sympathique quand même, mais bon. Un ciel bleu derrière. Et puis, c'est un petit peu sur le côté. Oui, c'est un album à l'horizontale. C'est sur la verticale que l'arbre est situé et que les membres sont situés aussi. Donc, c'est original. Startinglinerock.com, je l'ai dit, sur le MySpace, vous pouvez entendre des pièces dont Island Direction, qu'on vient d'entendre, 21 Best of Me. Ils sont en tournée américaine et canadienne. Ils vont être à Montréal au parc Jean-Drapeau pour le Vans Warped Tour le 12 août prochain. C'est pas mal la seule date que je vois au Québec pour l'instant. Ils sont aussi en compétition pour la Battle of the Videos, un genre de combat des clips sur MTV. Je vous demande d'aller voter pour ça. Ça a l'air d'être assez big, assez gros comme, groupe. Vous pouvez aussi gagner une Wii sur leur MySpace. Hein? Ça a l'air le fun, Nintendo Wii. Donc, The Starting Line, voilà qui fait le tour pour eux. Non, j'avais choisi une deuxième pièce qu'on va l'entendre tout de suite. Et après ça... on va écouter Bittersweet de Remix Game, un album qui m'a l'air assez bon. Merci beaucoup. Bittersweet, un petit peu d'électronique pour terminer l'émission tantôt, mais pour l'instant, voici The Starting Line et Island au spécial Summer Spectacular de la chanson coureur à CFOU 89.1 FM. I'm gonna treat you. Starting Line et Island, pièce de leur nouvel album Direction, en magasin maintenant. Et on enchaîne avec Bittersweet, l'album c'est The Remix Game, c'est de l'électronique et voici le Thievery Corporation remix de Bittersweet Faith. Hein, pourquoi pas de Bittersweet, tout de suite. À la chance au coureur Summer Spectacular au 7 Live à CFOU 89 FM. Bittersweet Faith, le Thief Corporation remix de la formation Bittersweet. Dans cet album dynamique, disent-ils, le début captivant de Bittersweet, The Mating Game, est retravaillé par les meilleurs producteurs de remix au monde. Plusieurs des chansons de l'album sont des bijoux qui ne sont jamais sortis, donc des bijoux rares, et des pièces qui ont été disponibles seulement sur des 12 pouces ou de façon numérique. Donc voilà, c'est Bittersweet. Si vous voulez plus d'informations, allez voir myspace.com/TheMatingGame ou encore le kwango.com qui est l'étiquette qui s'occupe de tout ça. Voilà donc Bittersweet, c'est la fin de la chance au coureur pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté notre spécial Summer Spectacular au 7 Live où tout se passait en direct sans savoir ce qui s'en venait. Grosse surprise, moi j'ai bien aimé ça. On a écouté des tonnes de choses. Regardons un petit peu ce qu'on a écouté depuis le début. Du TTC, du Et si l'aurore disait oui, Mission sur Mars, Christian Aubin, Kruger, Sound Neighbors, la musique de l'Irlande, Scarf, The Warriors, Oh No, The Polyphonic Spree, Boats, The Blue Tones, Yellow Card, The Mohawk Lodge, Ben band Lime, The Starting Line. C'était absolument génial comme musique. Et mon coureur de la semaine cette semaine, j'ai décidé que ce serait The Polyphonic Spree parce que je les ai redécouverts. Leur album s'appelle The Fragile Army. Et vous aurez la chance d'entendre d'autres pièces de Polyphonic Spree ce soir, les vendredis soirs, dans les Palmarès C'est Fou à 17h et en rediffusion les jeudis à 14h. On se laisse sur Hayley Sales. Je l'ai promis tantôt, l'album s'appelle Sunseed. On va entendre la pièce Jail Cell Mind. Alors que moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve à La Connexion, émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo les jeudis, samedis et mardis à midi. Dans les Palmarès C'est Fou les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. La chance au coureur est en direct le vendredi matin à 10h et en rediffusion les samedis et mardis à 14h. De la part de toute l'équipe fictive de la chance au coureur, merci d'avoir été là. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Just the way